L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La nouvelle la plus intéressante qui nous soit arrivée durant ces 3 dernières semaines de torpeur estivale est, à mon avis, cette présentation de résultats de l'expérience T2K sur l'oscillation des neutrinos et des antineutrinos faite le 6 août à Chicago lors de la conférence internationale ISCHEP 2016. Les physiciens de l'expérience T2K y ont montré que leurs données indiquaient un comportement différent entre neutrinos et antineutrinos en ce qui concerne leur oscillation d'une saveur à l'autre. On ne parle pas de preuves expérimentales car il faut encore davantage de données, mais les premiers signes d'une asymétrie semblent bien apparaître. Une telle asymétrie entre neutrinos et antineutrinos est d'une importance extrême, car elle pourrait expliquer pourquoi la matière l'a emportée sur l'antimatière dans l'univers primordial. En d'autres termes, pourquoi il y a de la matière dans l'univers et pas uniquement des photons ? Le fait que nous ne voyions que de la matière et pas d'antimatière dans l'univers est l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie. Comme l'univers aurait dû produire autant de matière que d'antimatière, et que l'annihilation de ces deux familles produit des photons, le fait qu'il reste finalement de la matière implique l'existence d'une certaine asymétrie entre matière et antimatière, que les physiciens appellent une violation de symétrie. Une des réponses possibles à cette énigme de l'asymétrie matière-antimatière est que des particules supermassives auraient pu se désintégrer dans l'univers primordial de manière asymétriques justement, pour donner des particules de matière et leurs antiparticules. Les particules auraient alors été plus nombreuses que les antiparticules, ce qui, après annihilation de la totalité des couples particules-antiparticules, aurait laissé une certaine quantité de particules qui ont persisté depuis. Or, les physiciens ont élaboré des théories évoquant ce type de particules supermassives dans l'univers très jeune et très chaud, et qui ne seraient rien d'autre que des neutrinos massifs. Donc, si les neutrinos et antineutrinos d'aujourd'hui, qui eux possèdent une toute petite masse, ont un comportement asymétrique, cela indiquerait que leurs cousins supermassifs théoriques se désintégreraient également de façon asymétrique pour produire particules et antiparticules. Ce que mesurent les physiciens japonais de T2K, Tokai to Kamioka, c'est comment oscillent des neutrinos muoniques en neutrinos électroniques et des antineutrinos muoniques en antineutrinos électroniques. Pour cela, ils produisent un faisceau de neutrinos et d'antineutrinos auprès de l'accélérateur de particules J-PARC, Japan Proton Accelerator Research Complex, de Tokai, qu'il détecte ensuite 295 km plus loin dans le grand détecteur de Super Kamiokande. Les résultats qu'a montré Konosuke Iwamoto à Chicago le 6 août indiquent une différence de comportement quand c'est un faisceau de neutrinos qui est utilisé et quand c'en est un d'antineutrinos. Les neutrinos oscillent plus vite que les antineutrinos. Après 6 ans de comptage dans le détecteur, s'il n'y avait aucune différence entre neutrinos et antineutrinos, les chercheurs auraient dû voir 24 neutrinos électroniques et 7 antineutrinos électroniques. La différence provient ici du fait que les antineutrinos sont plus difficiles à produire et à détecter. Au lieu de ces valeurs, les chercheurs ont détecté 32 neutrinos électroniques, soit plus 25% par rapport au cas symétrique, et 4, seulement 4 antineutrinos électroniques, soit moins 43% par rapport au cas symétrique. La probabilité de voir ces résultats et que les neutrinos et antineutrinos se comportent quand même de façon symétrique est de 5%. Le niveau de confiance statistique est de 2 sigma. On ne parle donc pas encore de preuves, et il faudra attendre encore quelques années pour avoir une réponse définitive. À la fin de la campagne de mesure actuelle, vers 2021, T2K aura accumulé 5 fois plus de données qu'aujourd'hui. Mais les physiciens auront encore besoin de 13 fois plus de données pour atteindre le niveau de confiance statistique atteignant 3 sigma, c'est-à-dire une probabilité d'erreur inférieure à 0,4%, qui commence à être raisonnablement convaincant pour parler de l'existence d'une violation de symétrie par les neutrinos. Un point intéressant est qu'une expérience semblable existe aux États-Unis, l'expérience NOVA, dans laquelle un faisceau de neutrinos est produit à Fermilab, près de Chicago, et détecté dans le laboratoire souterrain de Ash River, dans le Minnesota, à 810 km de là. Les physiciens de NOVA ont déjà étudié les oscillations des neutrinos muoniques et électroniques, et ils vont maintenant faire la même chose avec leurs antiparticules, à partir de 2017, afin de pouvoir comparer leur comportement et déceler à leur tour une éventuelle asymétrie. Les physiciens japonais sont apparemment désireux de collaborer avec les Américains afin de mettre en commun leurs données pour aller plus vite vers une réponse à l'épineuse question. Les deux collaborations ont accepté de combiner leurs données et pourraient ainsi atteindre le seuil des 3 sigma vers 2020. La certitude statistique, qui est celle à partir de laquelle on peut annoncer une découverte, se situe à 5 sigma, soit une probabilité d'erreur inférieure à 0,00003%. Cette étape ne pourra pas être atteinte avec la génération actuelle de détecteurs de neutrinos, mais le sera à coup sûr avec la prochaine génération d'expériences d'ores et déjà dans les cartons et dont la réalisation pourrait très vite s'accélérer en fonction des résultats conjoints de NOVA et T2K. Les résultats présentés le 6 août sont en tout cas une très bonne nouvelle puisque tous les espoirs restent permis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la présentation de la collaboration T2K qui a été faite à Chicago. Puisque je mets en lien la présentation, le PDF de Konosuke Iwamoto et ses collaborateurs. Voilà, c'était également l'occasion d'un article dans Nature sous la plume de Elizabeth Gibney qui s'appelait « Morphing neutrinos provide clue to antimatter mystery ». Et le lien se trouve également en bas du poste, comme toujours, en date du 18 août 2016. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des neutrinos se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur iTunes, sur podcloud.fr et aussi sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !